Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ensemble pendant 60 minutes, les 60 minutes à venir sur Fadjet 94.2, un nouveau numéro de coup de cœur qui va mettre en lumière la carrière d'un artiste ou d'un groupe. Comment vous dire aujourd'hui? Je vais vous donner quelques indices. Si je vous parle d'une rivière coulant entre les lacs Erie et Ontario, longue de 58 km, formant une frontière entre le Canada et les États-Unis. Il s'agit également d'un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur cette rivière. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Alors même si vous n'êtes pas fortiche en géographie, je pense que vous avez vite saisi qu'il s'agit de Niagara dans ma définition. C'est le groupe Niagara, c'est du groupe Niagara dont on va parler aujourd'hui. Alors on va commencer cette explication, on va parler de chacun puisqu'ils ont fait une carrière en solo après la dissolution de leur groupe. Mais tout a commencé par un immense succès de l'année 1986, Cheeky Boom, qui est la chanson qui les a révélés issus de la scène rennaise. En fait, Niagara fait son entrée au top 50 avec ce premier tube en février 86. Il y restera 20 semaines, une chanson latino-pop qui doit beaucoup au ministère de la Culture. En fait, dans les années 80, la ville universitaire de Rennes est un véritable creuset de nouvelles tendances musicales. Des tas de jeunes artistes font leur début dans le cadre d'un festival nouvellement créé et baptisé les Transmusicales. C'est le cas d'un duo composé d'une jeune fille de notaire, Muriel Laporte, et d'un certain Daniel Chenevez. Ensemble, ils forment un premier groupe qui s'appelle Les Espions, et ils sortiront un 45 tours Mata Hari. Tous les deux sont passionnés de musique. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la faculté. Daniel joue du clavier et de la guitare. Il est féru de toutes les nouvelles technologies musicales qui apparaissent. Muriel adore chanter. Ensemble, avec un guitariste qui s'appelle José Tamarin, ils ont créé un second groupe qui s'appelle Ombre Jaune. En décembre 82, ils font leur première apparition en public dans le cadre des transmusicales. Ils enchaînent ensuite en se produisant pendant plusieurs années aux quatre coins de la Bretagne. En 1985, une opportunité s'offre à eux. Le ministère de la Culture lance un concours intitulé « Coup de talent dans l'Hexagone », ceci pour financer l'enregistrement de 4 45 tours de jeunes artistes. Muriel et Daniel, qui ont rebaptisé le groupe Niagara, en référence au film de Henry Hathaway avec Marilyn Monroe, décident de tenter leur chance. Niagara sera finalement sélectionné par le jury rennais avec une chanson écrite en 1983, intitulé Cheeky Boom. On en reparle dans quelques instants. Par contre, leur premier 45 tours sous le nom des Espions, ça s'appelait Mata Hari. On en écoute quelques notes. J'espère que vous nous excuserez pour la qualité du son, mais on fouille, on essaie de retrouver des archives pour bien vous prouver, pour bien vous montrer de quoi sont partis les artistes qui ont fait une grande carrière par la suite. C'est le cas notamment de ce groupe Niagara qui s'appelait Les Espions à l'époque. On va poursuivre avec une nouveauté, un duo également, Kenji et Florent Pagny, un nouveau titre qui s'appelle « Encore ». Un ami sommeil, on le réveille parfois, dans nos matins sans soleil, dans nos chemins de croix. En nous un enfant est là, et je cherche sa main, pour qu'on me ramène à moi, qu'elle est dans le chemin. Allez viens qu'on oublie le poids des années, les paris, les projets déjà dépassés. Je demande un peu de rêve, de vrai. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. Ramenez-moi. Encore. m'attend. Même dans le cœur du soldat, on a voulu jouer les grands, on s'est perdu, je crois. Nous un ami à peine, en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens, dans mes nuits la lampe allumée. Je demande un peu de rêve, de vérité. Ramenez. Deux magnifiques voix au service de cette chanson, une nouveauté encore, Florent Pagny et Kenji Girac. On revient à une autre chanson dont on a évoqué l'existence juste avant, Cheeky Boom. Alors au moment où ce titre a été créé, Muriel et Daniel écoutaient beaucoup de musique afro-cubaine des années 40, d'où l'influence que l'on retrouve dans la mélodie. Pour les paroles, Muriel a imaginé un voyage plein de sensualité avec un homme-objet dont elle ferait ce qu'elle voudrait. Grâce à cette chanson, Niagara va séduire les maisons de disques et notamment le label Polydor qui accepte de sortir leur premier album qui va s'appeler Encore un dernier baiser, dont le premier extrait sera évidemment Cheeky Boom. Alors ce titre est enregistré en studio Meredith de Saint-Nom-la-Bretèche et il était mixé au studio des Palais des Congrès à Paris. Pour l'anecdote, c'est un autre Rennais célèbre qui assure les chœurs de la chanson. Il n'est autre que Étienne Dao. Sorti à la fin de l'année 85 en 45 tours, Cheeky Boom va bénéficier pour la promotion d'un clip coloré réalisé par Daniel Schoenvez lui-même. Muriel y apparaît en séductrice extravertie à la voix charmeuse, dansant langoureusement dans une ambiance de club latino, tandis que Daniel et José Tamarin l'accompagnent en jouant des maracas et du saxophone. À noter que José quittera le groupe avant la parution de l'album. Cheeky Boom va véritablement lancer la carrière de Niagara qui va devenir le duo pop de la décennie 80. Je te suivrai. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Vous avez reconnu Étienne Dao, les flocons de l'été. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que ce numéro de coup de cœur est consacré au groupe Niagara. Alors ce groupe rencontre le succès après d'autres titres que Cheeky Boom qu'on a évoqué longuement il y a quelques instants, tels que L'amour à la plage, Je dois m'en aller, édités respectivement en mai et octobre 86 et dont les clips vidéo sont toujours réalisés par Daniel Chenevez. Leurs quatre albums studio ont tous été certifiés disques d'or. Niagara, qui se produit régulièrement sur scène dans toute la France, emménage à Paris et la tournée nationale qu'ils effectuent en 1987 passe par l'Olympia. Ils sont également à l'affiche de grands festivals comme les Francofolies et également le Printemps de Bourges. Leur deuxième album, qui s'appelle Quel Enfer, paraît en avril 1988. Les titres Assez et Soleil d'hiver, qui en sont tirés, figurent au top 50 pour promouvoir l'album, distribué dans 13 pays, tenez-vous bien. Niagara effectue une tournée européenne de 5 mois, sponsorisée par la chaîne musicale MTV Europe. Après les flocons de l'été, on va parler de soleil d'hiver avec Niagara. Je vous rappelle que l'hiver, c'est le 21 décembre prochain. Yeah.

je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Subtil qui a le mérite de ne pas massacrer le titre original. Donc un nouveau rendez-vous dans Coup de cœur chaque semaine, une version longue de Monsieur Philippe Christian. Je vous la proposerai à peu près à mi-parcours de l'émission. On revient à notre coup de cœur du jour, il s'agit de Niagara. Leur troisième album, qui s'appelle Religion, sort en 1990 et comporte un son plus axé rock, avec notamment le single « J'ai vu » classé au top 50 français. Le groupe repart en tournée en Europe, il joue notamment au Zénith de Paris et attire 15 000 personnes dans un stade moscovite. Ce troisième opus inclut des chansons plus engagées, portées par des sons rock, laissant de côté les influences afro-caribéennes et de leur première mouture, on peut dire. Si on peut dire également qu'il est inspiré de groupes comme Led Zeppelin, beaucoup plus hard, en abordant des thèmes profonds, voire polémiques. Et leur dernier album, La Vérité, est paru en 1992. Enregistré à Bruxelles et New York, il ne rencontre pas le même succès que ses prédécesseurs et le duo se sépare. Muriel Moreno et Daniel Schoenvez poursuivent depuis leur carrière en solo. Nous allons revenir juste après avoir écouté le titre « J'ai vu » sur chacun des personnages qui a composé ce groupe Niagara. Et ensuite, une nouveauté. Alors, une nouveauté importante, protégée du côté de chez Swan. Écoutez bien, c'est bien sûr Dev qui l'interprète. Les paroles ont été totalement modifiées. On parle bien sûr du sida. We'll be right back. Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Nouveauté. Nouveauté. On oublie. Hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Et toi qui es maintenant, léger comme avant, libre d'assouvir de nouveaux désirs. Tu souris à l'aventure au tournant de ta vie. Mais ce serait fou de risquer de payer au prix fort la part cachée du danger dans les élans du corps. Si tu vas refaire un tour du côté de chez Swann pour y retrouver l'amour, ne prends pas le risque fou de te perdre, de ne pas te protéger contre tout. Quel que soit ton partenaire, que cela reste clair, comme au bal des débutants, n'oublie pas un seul instant ce danger majeur à l'ombre des garçons en fleurs. On oublie, et puis un jour, il suffit de quelqu'un pour te redonner soudain des lendemains. Mais ne laisse pas le plaisir te gâcher l'avenir. Si tu vas refaire un tour du côté de chez soi pour y retrouver l'amour, ne prends pas le risque fou de te perdre, de ne pas te protéger contre tout. Quel que soit ton partenaire, que cela reste clair, comme au bal des débutants, n'oublie pas un seul instant ce danger majeur à l'ombre des garçons en fleurs. Si tu vas refaire un tour du côté de chez soi pour y retrouver l'amour, ne prends pas le risque fou de te perdre, de ne pas te protéger contre tout. Quel que soit ton partenaire, que cela reste clair, comme au bal des débutants, n'oublie pas un seul instant ce danger majeur à l'ombre des garçons en fleurs. Le meilleur tube pour s'aimer, c'est celui qui vous protège face au VIH. Protégez-vous, quel que soit votre âge. SIDAction, ensemble contre le sida. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy, sur 94.2. Allez, c'est dit. On revient à notre coup de cœur du jour, le groupe Niagara. On va tout d'abord parler d'une des deux interprètes, d'une des deux membres du groupe, Muriel Moreno. Alors, on l'avait dit, hein, on en avait plus ou moins parlé en début d'émission. Elle a grandi à Chinon jusqu'à ses 10 ans environ, avant de déménager à Nantes. Son père est notaire et sa mère est professeure de sciences naturelles au lycée. À 13 ans, elle lit déjà Simone de Beauvoir ou Benoît de Groult. Elle fait des études littéraires, puis s'oriente en histoire de l'art à Rennes, où elle obtiendra une maîtrise avec mention. En 1992, alors que le duo retourne en studio pour l'album La Vérité, leur plus grosse production en fait, Niagara est en Suède, quand Muriel Moreno devient totalement aphone. Le reste de la tournée européenne est donc annulé. Elle redémarre quelques semaines plus tard en France pour se terminer à Montréal. De retour dans le sud de la France, Niagara donne un dernier concert. On les retrouve dans « Je dois m'en aller ». Viens sortir le goût de mes lèvres, viens plonger dans l'eau. 1994, Muriel Moreno se lance dans une carrière en solo et installe carrément un studio dans sa maison du 11e arrondissement de Paris, où elle travaille seule sur des titres personnels, tant sur les textes que la musique, que la programmation et même la production. En mai 96, elle sort un album qui s'appelle Toute Seule, album intimiste dont sont extraits les singles Près du Lac Vert et Tout va bien si j'évite d'y penser, avec un premier clip vidéo. Elle compose la musique de films tels que Thérapie Russe en 1997 et Locked in the Syndrome en 1998. Elle retourne également dans une école de jazz où elle apprend la batterie. Elle se lance également dans l'électro-minimaliste. Novice en musique électronique, elle réalise un album qui sort en mars 2000 dans 15 pays. Muriel Moreno devient également DJ. Enfin, elle rencontre Marc Colline, auteur de l'opus Nouvelle Vague, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires dans le monde. Et de leur rencontre, naît le groupe Dynamo et un premier simple, un premier disque, River of the Return, sorti en 2004, avec le retour de Muriel Moreno comme chanteuse. Mais après des réalisations mineures, on peut les qualifier de cette façon-là, Muriel Moreno met un terme à sa carrière musicale en 2010. Depuis cette date, elle a cessé son activité de DJ pour se lancer dans le fitness, suivant une formation à l'Institut des métiers et de la forme pour devenir professeur de yoga et d'exercice corporel, exerçant dans plusieurs clubs de Paris notamment et de sa région. On va l'écouter dans une de ses créations, j'avais cité le titre « Tout va bien si j'évite d'y penser ». Pourquoi pas ? Parlons du deuxième membre du groupe. Après la disparition du duo en 1993, Daniel Schoenwes s'est lancé dans une carrière solo qui n'a duré que le temps de 3 albums qui n'ont pas vraiment marché. Sachez qu'il est né à Nancy en juin 59, auteur, compositeur, interprète et réalisateur de clips vidéo français. Daniel Schoenwes est resté très discret sur sa vie privée. En dehors de la relation qu'il a entretenue avec Muriel Moreno, le public a toujours eu soif de tout savoir sur sa vie de famille, mais dans jamais rien su de plus. On ne sait même pas s'il a eu des enfants. En avril 2014, il sort le disque numérique Érotisme Quantique 25.7, un album de 6 titres électro-rock mixé par Dominique Blanc-Francard. Et puis, enfin, il se retire de la vie publique. On va écouter un extrait de cet album, Alors la nuit, de Daniel Chenevez. Baisers tombés de camion que j'ai déposé sans façon entre les points de suspension. C'est l'heure de partir à l'abordage et d'essayer toutes sortes de pliages, de chercher des positions d'amarrage au revers des mirages. Tu me joues la fontaine d'Anita Ekberg, quand tu fais fondre les icebergs au feu des réverbères. Alors la nuit s'est offerte et les fleurs se sont ouvertes au cœur des cuisses enlacées. On va un doux moment livrer bataille, caresser l'or de la médaille, aller dans les moindres détails. Le temps de sortir ma carabine, d'attaquer la chapelle Sixtine, de s'approcher des rives sanguines, d'enlever les sabines. Je vole vers ces rivages, ce que l'on aperçoit des nuages quand tu retiens l'orage. Alors la nuit s'est offerte et les fleurs se sont ouvertes au cœur des cuisses enlacées. Au cœur des cuisses enlacées. Il nous incombe de succomber à l'atomique bombe. La tentation est à son comble. Alors la nuit s'est offerte et les fleurs se sont ouvertes au cœur des cuisses enlacées. Que dire sur ce duo ? Eh bien qu'il s'est forgé petit à petit une esthétique bien reconnaissable. Muriel Moreno s'est installée dans un rôle de chanteuse sexy, dans la veine du personnage de BD Barbarella, on peut le dire, tandis que Daniel Chenevez se chargeait de donner une cohérence artistique à leur production, qu'il s'agisse de réaliser lui-même les clips vidéo ou de gérer les arrangements ou la production des disques. On les retrouve pour un dernier rendez-vous musical en public dans le titre « Quand la ville dort ». Allez, une petite information supplémentaire, elle n'est pas drôle, mais elle fait partie de leur vie, de leur carrière. José Tamarin, qui était le troisième complice des débuts, du départ, nous a quittés le 22 octobre 2019 à Brest, à l'âge de 68 ans. Voilà, ce coup de cœur à Niagara, groupe Niagara, se termine. J'espère qu'il vous a permis de remémorer des chansons qu'on n'entend plus très souvent, c'est vrai. Et puis également de savoir ce qu'ils étaient devenus. Parce que c'est pas tous les jours qu'on vous parle d'un groupe qui ne fait plus parler de lui au niveau de la radio. Quand on est célèbre, tout va bien. Quand on sort des tubes, tout va bien. Dès qu'on disparaît un petit peu de la sphère médiatique, on ne parle plus de vous. Comme disait certaines Sheila, le téléphone ne sonne plus. Enfin voilà, la semaine prochaine, coup de cœur, Claude Nougaro. Soyez au rendez-vous à partir de 17h jeudi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine et, si possible, à l'écoute de Fadjet. Allez, bye bye, salut !